de loup. Bel et qu'à toi, tous les coups sont permis pour être debout. J'ai pas attendu que mon permis ait fait pas ta belle miss. Car la vie éternelle, t'es pas éternel, un jour on t'enterre, ouais. À 2.30 sur le compteur, les radars font les paparazzi. Et je te le dis de bon cœur, ne compare pas ton rap à Mazik. Mon flow pratique le tout terrain comme un Kawasaki. Vas-y, paye ton terrain, serre un Kawasaki. Coup, j'ai une dalle de loup. Cousin, tu vois pas que ça kique. Tu vois pas qu'on s'applique. Moi j'aime les faces quand ça pique. Et je rapplique si elle pique. Si la bique et la rime, style magique comme Paris. C'est ma clique qui s'implique. J'ai une dalle de loup. Et de la pression dans la mâchoire, donc je crache mon flow. Mais dis-toi bien qu'on n'a pas le choix. On veut des liasses de pistes de sang. Si je vois que tu pisses le sang, c'est Rifa et Mista la cible. On vise le sang. On a une dalle de loup. Envoie le mic, on déroule. Sors la tête de l'eau. Écoute mon rap, c'est lourd. Préviens les autres, c'est l'heure. Dis-leur qu'on accélère. Et n'en dis pas que c'est lèche. Y'a que des phrases sévères. On a une dalle de loup. Envoie le mic, on déroule. Sors la tête de l'eau. Écoute mon rap, c'est lourd. Préviens les autres, c'est l'heure. Dis-leur qu'on accélère. Et n'en dis pas que c'est lèche. Y'a que des phrases sévères. On a une dalle de loup. Pas amadoué comme le chien, gros blanc. J'suis dopé au beurre, tel un vieux schlag. Accro à la planche, un tarté et rayé. Le colonel réel. Dans mon rayon, ça se bute. Ici, c'est le Jack qui nous donne des ailes. J'suis pas quoi faire mon saut, donc j'm'interdis de vendre la mèche. Le bout entre deux miches, tu prends la mouche quand tu vois que j'te la mets. Tu sais, j'oublie le persier. J'suis ravi quand tous mes potos se lèvent. C'est inédit, ça glisse comme la Jamaïque en bobsleigh. Donc c'est le moment où j'accélère mon flow comme Messi et ses feintes. La fluidité penche en fléau et la prod est défunte. La défaite, elle est salissante en soi. Ainsi soit-il, des phalanges aiguisées qui remplacent la soif. La soif de réussir en moins de deux, en manque de temps. Mes rimes protègent même si c'est moindre. Rifa Mista, bête enragé, on n'est pas vacciné. Notre sang est couleur rock et nos écrits qui devront vaciller. On a une dalle de loup, envoie le mic, on déroule. Sors la tête de l'eau, écoute mon rap, c'est lourd. Préviens les autres, c'est l'heure. Dis-leur qu'on accélère et n'en dis pas que c'est lèche. Y'a que des phrases sévères. On a une dalle de loup, envoie le mic, on déroule. Sors la tête de l'eau, écoute mon rap, c'est lourd. Préviens les autres, c'est l'heure. Dis-leur qu'on accélère et n'en dis pas que c'est lèche. Y'a que des phrases. On a une dalle de loup et tu t'éteins. Non, t'es mal bazar dedans. Tu délites, tu découtes, une balle t'atteint ou le ballon t'attend. Attends tonton, le goutte à goutte te guette et ça se gâte. Mais coûte que coûte, avance, bats-toi car une quête se gagne. J'ai une dalle de loup et j'ai soif, mais je bois pas que de l'eau. J'ai un d'en bas, mais je vois au-delà de ceux qui prennent de haut. Mon stylo fait des siennes et commence à en faire casse. La mine, c'est pas un casse, la mine, mais lève les bras si la basse t'anime. T'aimes pas, dégage comme une putain qui se fait péter l'hymen. A voter au scrutin, maintenant dis pas que les rappeurs c'est les mêmes. J'arrive écorché, vif, meurtri avec mes plaît à l'air, une plume et un contexte noirci qui plaît à mes lettres. Des grosses canines, non y'a pas de pause qu'un rire. Emballe ton rap car quand tu poses on entend plus qu'un rire. RIFA ma gueule, toujours technique au niveau des rimes. Une larme amère à l'œil, je sors le pic et les rivaux des primes. On a une dalle de loup, envoie le mic, on déroule. Sors la tête de l'eau, écoute mon rap c'est lourd. Préviens les autres c'est l'heure, dis-leur qu'on accélère. Et n'en dis pas que c'est lèche, y'a que des phrases sévères. On a une dalle de loup, envoie le mic, on déroule. Sors la tête de l'eau, écoute mon rap c'est lourd. Préviens les autres, c'est l'heure. Dis-leur qu'on accélère. Et n'en dis pas que c'est l'air. Y'a que des phases sévères. RIFA frère. MISTA. Pour efficacité. On a une dalle de loup.